Sur le bord de la piste, tu semblais seul et triste, abandonné. J'ai posé ma main sur ta main et je t'ai demandé: voulez-vous danser, madame, cette valse avec moi? Voulez-vous danser, madame, je guiderai vos pas. Je vous ferai faire, madame, des tours et des tours. Voulez-vous danser, madame, et jusqu'au petit jour. Le vin de Moselle te rendait plus belle, faisait aussi tourner ta chevelure brune et un rayon de lune l'a caressée. Tu étais si légère et ta robe claire semblait s'envoler. Et mon cœur contre ton cœur, je t'ai demandé: voulez-vous danser, madame, cette valse avec moi? Voulez-vous danser, madame, je guiderai vos pas. Je vous ferai faire, madame, des tours et des tours. Voulez-vous danser, madame, et jusqu'au petit jour. Allez! Applaudissements et après, paso doble. Oui, oui, l'Espagne a toujours la mon fête. Allez, allez, le paso doble et ses castagnettes. Dansez, dansez, le rythme passe dans notre tête. Une chansonnette, bien mignonnette. Ohé, ohé, on va tous entrer dans l'arène. Allez, allez, la danse c'est notre oxygène. Un petit tour en Espagne, du côté de Bilbao. La chaleur, le soleil et c'est l'Eldorado. Thank you.

il vous plaira. Le Madison, et bien sûr la prochaine fois, vous chanterez avec moi. Le Madison. Parmi la foule, j'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite tout leur bobard, ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Les grands jours d'espoir, les jours de colère qui fait sortir le populaire. Là-bas, le grand cœur de Paris, un peu blagueur, un peu frondeur avec ses chants écrits. Bien, des jolis moments d'histoire sont écrits partout le long de nos grands boulevards. Ah, ça vous rappelle des bons moments, le Madison, hein? Ah oui, ça vous rappelle des bons moments. Mais figurez-vous que je partage ces souvenirs avec le Madison. Oui, oui, oui, ça me rappelle aussi bien des choses. Lorsque le plancher des vaches, on pouvait le fouler d'une manière bien plus joyeuse qu'on ne le foule aujourd'hui. We'll be right back. le roi de l'Argentine a su balayer la routine. Il a séduit tous les amants, même au-delà des océans. Il fut l'oubli de la misère des vieux faubourgs de Buenos Aires. C'était la danse majestueuse qui rendait les femmes amoureuses. Tango de rêve qu'elles adoraient danser sans trêve. Tango d'amour qui les enivrait jusqu'au jour. Bandoneon sous les étoiles faisait vibrer les nuits sans voile. Partout retentissait l'écho de ce rythme fou du tango. Tango, tango, quel merveilleux destin. Tu as conquis le cœur des Argentins. Tango, tango, une célébrité qui restera très populaire à tout jamais. la reine de la Zumba. Calypso dans sa cocabana. Calypso, quand je suis dans tes bras. Calypso, je suis dingue de toi. Calypso danse sur la plage, toujours dévêtu. Tous ses beaux tatouages fascinent les inconnus. Comme un essaim d'abeilles tout autour de ce démon, cette princesse du soleil attise leur passion. Dans sa cocabana. Calypso, quand je suis dans tes bras. Calypso, je suis dingue de toi. Sur sa peau de métis, ils veulent tous poser leurs mains pour goûter aux délices d'un amour brésilien. Ils viennent par dizaines le soir à l'assaut de la belle, dans le désir suprême d'être choisi par elle. Je l'appelle comme ça, avec tous ses bijoux qui brillent et sa petite robe en soie. Tous ses bisous, tout, tout, tout, tout me rend complètement fou. Elle sent bon la vanille des îles et le sable chaud des Antilles. Le bon vieux rhum et la biguine qui réchauffe le cœur des filles. Toujours là et que vous n'êtes pas trop fatigué, non pas à écouter mais à danser, parce que j'espère que vous êtes bien en train de tourner dans votre cuisine ou peut-être dans votre salle à manger, hein. Eh bien, si cela est le cas,

Sorgue FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. Tiki-ti-ti-tou, tiki-ti-ti-tou, allez, allez, oh. Tiki-ti-ti-tou, tiki-ti-ti-tou, allez, allez, oh. Tiki-ti-ti-tou, tiki-ti-ti-tou, allez, allez, oh. Tiki-ti-ti-tou, tiki-ti-ti-tou, allez, allez, oh. Si tu veux danser et bien t'amuser, allez, allez, oh. Si t'as le cafard et les idées noires, allez, allez, oh. C'est pas compliqué, on va t'expliquer. Allez, allez, oh. On est là pour toi, écoute un peu ça. Allez, allez, oh. Oh, eh, oh, eh. On va danser le reggae. Et si t'es ok, viens, on va chanter sous les cocotiers. Oh, eh, oh, eh. La musique nous fait rêver. Il suffit d'y croire, voilà le soleil et les plages dorées. On va danser le reggae. Ciel est gris, allez, allez, oh. Bienvenue ici, c'est un paradis. Allez, allez, oh. Les oiseaux, les fleurs de toutes les couleurs. Allez, allez, oh. T'invite au bonheur, oublie tous les pleurs. Allez, allez, oh. Oh, eh, oh, eh. On va danser le reggae. Et si t'es ok, viens, on va chanter sous les cocotiers. Oh, eh, oh, eh. La musique nous fait rêver. Il suffit d'y croire, voilà le soleil et les plages dorées. On va danser le reggae. On est emporté dans une folie. Allez, allez, oh. Avec le reggae, fini les soucis. Allez, allez, oh. Moi, je veux danser tout l'après-midi. Allez, allez, oh. Pour s'aimer plus fort, on a toute la nuit. Allez, allez, oh. C'est magique, ça donne envie de chanter. Quand tu veux t'amuser, on est là pour jouer. Allez, viens, si tu aimes, il faut danser. Il faut bien s'habiller, ne pas se décaler. Tiki-ti-tou, tiki-ti-ti-tou, allez, allez, oh. Tiki-ti-ti-tou, tiki-ti-ti-tou, allez, allez, oh. Tiki-ti-ti-tou, tiki-ti-ti-tou, allez, allez, oh. Tiki-ti-ti-tou, tiki-ti-ti-tou, allez, allez, oh. Ah, je me doute bien qu'après la valse des amours et danser le reggae, eh oui, ça peut fatiguer les gambettes. Ah oui, je vous comprends. Allez, voilà, c'est reparti du côté de l'Espagne. Gardez le parfum d'une rose, le parfum d'une belle fille d'Espagne. Avec elle, j'ai connu tant de choses sur sa vie et son pays de Bocagne. Elle avait l'allure d'une gitane, des yeux noirs et brûlants qui vous enflamment. Chaque soir, avec ses castagnettes, elle dansait le flamenco, c'était la fête. Thank you. J'ai gardé le parfum d'une rose, le parfum d'une belle fille d'Espagne. Avec elle, j'ai connu tant de choses sur sa vie et son pays de cocagne. Elle avait l'allure d'une gitane, des yeux noirs et brûlants qui vous enflamment. Chaque soir, avec ses castagnettes, elle dansait le flamenco, c'était la fête. La vie est belle, que du bonheur à partager. Souris, souris, regarde, la vie est belle. Reste là, je vais te guider. La vie est belle, que du bonheur à partager. Souris, souris, regarde, la vie est belle. Marchons ensemble du bon côté. Et oublie le ciel gris, les jours passés, l'ennui, ta douleur, tes chagrins et tes pleurs. ressens aujourd'hui le soleil qui ravit les couleurs de joie et de chaleur. Souris, souris, regarde, la vie est belle. Que du bonheur à partager. Souris, souris, regarde, la vie est belle. Reste là, je vais te guider. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Avance-toi pour ressentir les fleurs. Parfum soyeux, parfum rêveur. Prends ma main, on va réparer ton cœur. Souris, souris, regarde, la vie est belle. Souris, souris, regarde, la vie est belle. Amoureux fou de Corfou. Quand le voilier a jeté l'ancre dans le bleu de l'été, tant de lumière éblouissait les maisons blanches et toute la mer. Quel privilège, c'est beau comme un rêve sur terre. Y a des secondes qui durent des siècles dans ce pays béni des dieux. Là-bas l'amour est une fête, car tout le monde est amoureux. Tout plein d'enfants sont venus à notre rencontre en chantant. Ils ont joué les pieds dans l'eau comme les enfants du Pirée. Ils ont formé une ronde immense autour de nous et ils ont dansé. Quel privilège, c'est beau comme un rêve, mais vrai. Y a des secondes qui durent des siècles dans ce pays béni des dieux. Là-bas l'amour est une fête, car tout le monde est amoureux. J'ai une tendresse particulière pour des regards qui donnent tout. Je resterai ma vie entière un amoureux fou de Corfou. Hasta luego, nous dit la chanson. J'espère que vous savez ce que cela veut dire. Eh bien, vous allez écouter Damien Poyard pour terminer cette séance de dimanche musette. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur le 91 102.5 Sorgé FM, la radio la plus près de chez vous, votre radio locale. Et vous retrouverez cette émission mardi prochain de 10h à midi. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis bye bye. Du voyage, quand on voit s'éloigner un bateau, on ressent tous l'appel du grand large, comme surcouffé Marco Polo. Nous rêvons tous de faire escale à Rotterdam ou bien Mario. Changer de cap, c'est faire la malle et jeter l'ancre à Bornéo. Quand le bateau part, largue les amarres, nos amis sortent les mouchoirs. Hasta luego, hasta luego, au revoir et surtout à bientôt. Hasta luego, hasta luego, l'aventure est toujours un cadeau. Je rêve de croisière en solitaire, en partant du port de Saint-Malo. Mon voilier s'appelle le reste à terre, mais un jour il ira sur les flots. Je croise souvent dans mes rêves le Cap Horn ou bien San Francisco. J'attends tous les jours que le vent se lève pour mettre les voiles s'il fait beau. Si mon bateau part, largue les amarres, vous chanterez à mon départ. Hasta luego, hasta luego, au revoir et surtout à bientôt. Hasta luego, hasta luego, l'aventure est toujours un cadeau. Chanson française va être dans son début un peu particulière, oui, un tout petit peu particulière. Quelques petites chansons coquines, on va dire ça comme ça, juste pour dire de se, comment dire, se défraîchir un peu, ou peut-être devenir un peu coquin, ou peut-être autre chose. De toute façon, c'est comme ça que ça va se passer. Il y en aura trois ou quatre, hein, où ce sera peut-être pour certaines oreilles le moment de pas trop écouter. Après, ça ira beaucoup mieux, je vous le promets. Allez, on commence tout de suite avec Pierre Perret, La Corinne. C'est des chansons érotico-quines. Érotico-quines, oui, voilà. Et puis, elle sera suivie, Pierre Perret sera suivi par une chanson comique avec des faux rythmes. Elle est interprétée, elle sera interprétée par Jean-Jacques Launay. Oh,

tout droit sorti des salles de sport. Sans doute ces mecs ridicules, quand ils sont entre eux, ils s'ennuient. Ils cherchent à occuper leur nuit. Oh, Pénélope, oh, Pénélope, super nana. Si tu réponds à leurs avances, ils te prendront dans tous les cas pour la fille que tu n'es pas. Moi seul te connais tout entière, laisse-moi te prendre par la main pour t'accompagner vers demain. Mais si nos sentiments s'apaisent, si tu ne veux plus que je t'épouse, je saurai supporter le blues. Si notre amour fait la culbute, eh ben tant pis, j'irai au port. Je partirai sans un remords. Oh, Pénélope, oh, Pénélope. Pierre Perret reprend la suite avec le cul de Lucette. Et puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on va revenir à un peu plus sérieux avec Luis Mariano et le chalet bleu. Quelquefois je me glace, j'aime bien mettre les choses en place et j'en veux à ces gens qui s'expriment comme des glands. Vous messieurs dans la rue, quand vous mettez un beau cul, vous murmurez bon sang quoi, quel beau derrière est là. Dieu que cela cache là me blesse, parler ainsi d'une belle paire de fesses. Laissez-moi glorifier sans façon de nos dames ce noble tronçon. Y'a d'abord le curon, le cul qui se fait pas de mouron, très à l'aise dans la mouise, autant que chez la marquise. Y'a le cubal misérable, celui qui fait des trous dans le sable, et y'a le cul rebondi qui marque toujours midi. Mon préféré c'est celui de Lucette, son merveilleux petit queue en trompette. C'est la map monde du bonheur, c'est vraiment lui le cul de mon cœur. Y'a le cul un peu teigne qui aurait besoin d'un coup de peigne, puis y'a le cul de René qui souhaite la bonne année. Y'a le cul prolétaire, faut être deux pour le faire taire, et y'a le cul Aristo qui dit jamais de gros mots. Mon préféré c'est celui de Lucette, le seul qui est les senteurs de violette. Quand je le vois pas d'une semaine, je pleure, c'est vraiment lui le cul de mon cœur. Y'a le cul de Florence qui dit toujours ce qu'il pense, puis y'a le cul de Maggie, celui qui est fermé le mardi. Quand il pleut, celui qui frise, c'est le gentil cul de Maryse qui résonne comme un tambour et gagne tous les concours. Mon préféré c'est celui de Lucette, le seul qui se monte jamais la tête, qui sait être là dans le malheur, c'est vraiment lui le cul de mon cœur. Y'a les culs à moustache, les coiffeurs se les arrachent, et les culs les plus cotés, ceux qui ont l'arrêt de côté. Les culottés, les cupides, y'a les culs qui prennent le bide, les culs fanés de jadis, en forme de fleur de lys. Mon préféré c'est celui de Lucette, c'est le paradis en chemisette. C'est un cul classé de grand seigneur, c'est vraiment lui le cul de mon cœur. J'ai couru, j'ai bien vécu, j'ai vu des milliers de culs, mais y'a que le cul brésilien dont l'arôme se retient. J'ai vu les culs des mouquaires à l'abri du moustiquaire, j'ai vu le cul d'Hashimoto, celui qui prend des photos. Mais je préfère quand même celui de Lucette, ne ne frôlez pas de vos fourchettes, vous les tasses de fesses amateurs, car c'est vraiment le cul de mon cœur. Sorgue FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. Montagne sont le parfum des vallées, le vent chaud qui vient d'Espagne fait chanter tous les bergers. Je connais dans les bruyères un chalet joyeux et clair, son image est familière aux amants de l'univers. Un chalet bleu comme le ciel, un homme vieux, père éternel, un banc de bois, trois fleurs d'été, et sur le toit, quelques fumées. Ce chalet où m'accompagne le chemin du muletier, sous le vent qui vient d'Espagne, garde trois filles à marier. J'aime bien la plus gentille, j'aime aussi la plus jolie. La plus jeune est de ces villes, je veux être son mari. Un chalet bleu comme le ciel, un homme vieux, père éternel, un banc de bois, trois fleurs d'été, et sur le toit, quelques fumées. Mais ce chalet n'est qu'un rêve que j'ai partagé ce soir avec le vent qui se lève en sifflant sur les trottoirs. Cette rue est bien déserte dans la neige et dans le froid. J'ai ri de ma découverte et je suis rentré chez moi. Mon chalet bleu comme le ciel, mon homme vieux, père éternel, mon banc de bois, trois fleurs d'été, n'était pour moi qu'une fumée. La caissière du grand café. Et puis Fernandelle nous interprétera la bouillabaisse. V'là longtemps qu'après la soupe du soir, de dessus le banc où je vais m'asseoir, je vois une femme, une merveille, qu'elle est brune et qu'elle a les yeux noirs. En fait, femme, je m'y connais pas d'état, mais je me dis, en voyant ses appâts, sûrement que des beautés pareilles, je crois bien qu'il y en a pas. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De dedans la rue on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé. C'est la caissière du grand café, entourée d'un tas de verres à pied,

si la bouillabaisse n'est pas bonne, c'est pas que Marius soit pas fort. Croyez-moi, c'est la faute à personne. C'est la faute à ce coquin de sort. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon. Fernand Sardou. Aujourd'hui peut-être. Et en l'an 2000, vous découvrirez, ou du moins, vous vous souviendrez de son interprète. Il y a un pain terrible dont la grosse branche pourrait bien tomber sur mon pauvre toit. Quelle belle cible cette branche là je vais la couper aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Ce sacré soleil me donne la flemme, je la couperai après-demain. Et si je peux pas la couper moi-même, je demanderai à la mitonnaie qui la coupera aussi bien lui-même. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais il fait si chaud dans notre midi. J'ai de beaux lapins, des lapins superbes, mais ils ont toujours envie de manger. Il faut tout le temps leur couper de l'herbe, et je devrais bien manger. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme, j'en ramasserai dès après-demain. Et si je peux pas en couper moi-même, ben je lâcherai tous mes beaux lapins qui la couperont aussi bien eux-mêmes. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais la terre est basse dans notre midi. Le soir de mes noces avec Thérèse, quand on s'est trouvés tous déshabillés, en sentant frémir son beau corps de braise, je me suis pensé, je vais l'embrasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, moi les émotions, oui, ça me rend tout blême. Je demanderai à la mitonnaie qui pourra très bien l'embrasser lui-même. Mais soudain ça m'a pris au petit matin, on est déchaîné. Et 2 mois après, j'avais 3 petits. Nous sommes les rois dans notre midi. Thank you.

On se retrouve mardi prochain pour la rediffusion de cette émission, 10h, 12h. Merci de votre fidélité, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis bye bye. Les toits de Gardaïa, voilés pour ne pas être vus, cernés d'un silence absolu, vierge de pierre au corps de Diane. Les femmes ont pour leur lassitude des jardins clos de solitude, le long sanglot des musulmanes. Des collines que la nuit leur envoie. Pour elles, le temps s'est arrêté, c'est à jamais l'éternité, le crépuscule de Sanaa. Voilées pour ne pas être vues, j'en vis ceux les ont connus, vierges de pierre au corps de Diane. Hurlant dans le silence énorme, à l'heure où leurs amants s'endorment, le long sanglot des musulmanes. C'est un